Merci de choisir la radio Isanganiro. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Certains dirigeants du conseil d'administration pour les entreprises publiques ne sont pas professionnels, c'est la raison pour laquelle ils sont destitués de leur fonction. Analyse du directeur du PARSEM, Faustin Dikoumana, qui trouve que la suppression du conseil d'administration pour les entreprises publiques est nécessaire, vous allez l'entendre. La jeunesse burundaise joue un grand rôle dans le processus de la protection de l'environnement et de la cohabitation sociale. Affirmation de l'abbé Aimé Irakoze, directeur du centre jeune Kamenge, ce samedi lors de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, une journée qui a coïncidé avec la clôture des activités organisées par ce centre. Et les chefs d'agences des banques et microfinances à Kayanza craignent la pénurie des billets dans les banques les jours à venir. Ils disent que ces jours-ci, les retraits bancaires dépassent de loin les versements. Les habitants de la province Kayanza se plaignent de ne pas être servi comme il le voudrait. Vous aurez le point avec notre correspondant à Kayanza. Et voilà pour les titres. Eric Wimana est à la cabine technique de Ore Bingabili à la présentation. Tout de suite, les détails. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bienvenue encore. La suppression du conseil d'administration pour les entreprises publiques, comme a été annoncé par le conseil des ministres tenu ce mercredi de la semaine en cours, s'avère nécessaire. Propos du directeur d'un ONG local, parole pour action et changement de mentalité. Faustin Dikoumana, indique que certains dirigeants du conseil d'administration de ces entreprises n'ont pas de professionnalisme, raison pour laquelle ils sont parfois démis de leurs fonctions. Suivez-le. Le problème de la gestion des entreprises publiques, ça peut être un problème lié à la loi, un cadre légal et quand même qui peut être lacuné, qu'il faut améliorer. Mais le problème fondamental qui ruine la gestion des entreprises publiques, c'est les nominations politisées. Au lieu de nommer des personnalités capables, les entreprises publiques sont devenues comme des entreprises pour caser les politiciens, démis de leurs fonctions dans telle ou telle autre fonction importante. Les anciens ministres, les anciens vice-présidents, les anciens premiers ministres, les anciens quoi. On essaie quelque part de les caser ici et là. Et ce sont les entreprises qui doivent les recevoir. Alors qu'elles sont déjà sans professionnalisme dans la gestion d'une entreprise publique. La gestion d'une entreprise publique, c'est du professionnalisme, c'est un métier. Il faut des gens capables qui ont produit des résultats. Donc il faut changer la manière dont on nomme le leadership dans les entreprises publiques. Il faut un environnement sain de travail. Si les entreprises publiques continuent à être comme des caisses où, dans certaines circonstances, il faut puiser de l'argent pour financer ceci et cela, ça devient difficile. Il y a aussi le pétrole du personnel. Les entreprises publiques pour caser les militants ici sont montrés dévoués pendant les campagnes électorales. On essaie de les transférer dans les entreprises publiques. Et il y a du pétrole. Cela se remarque aux entreprises publiques comment les charges du personnel sont allées crescendo depuis un certain temps. Parce qu'il n'y a pas de maîtrise des charges de fonctionnement suite à l'achat des frais du personnel. Sans qu'il y ait un nouvel ordre de gouvernance, il sera difficile d'inverser la tendance. Tout ce changement de loi, oui, mais le problème fondamental réside là. Il faut attaquer le taureau par les cornes, prendre des solutions concrètes et idoines face à un défi déjà identifié. C'était Faustin Dikoumana, directeur du PARSEM. La jeunesse burundaise joue un grand rôle dans le processus de la protection de l'environnement et de la cohabitation sociale. Cela a été dit ce samedi par le directeur adjoint du centre jeune Kamenge lors de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Abbé Aimé Irakoze fait savoir que cette journée est arrivée au moment où ce centre clôturait les activités du deuxième camp de travail et formation qui était centré sur le ramassage des bouteilles en plastique ainsi que la salubrité des caniveaux. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. C'était une grande journée pour nos centres jeunes Kamenge parce qu'on célébrait la Journée internationale de la jeunesse qui se célèbre au niveau du monde entier. Mais aussi, c'était la clôture du deuxième camp des jeunes, 450 jeunes qui étaient ici. Êtes-vous satisfait de la participation de la jeunesse dans ces travaux que vous venez de clôturer? Oui, tellement satisfait. C'était tellement bon. Les jeunes se sont donnés en ramassant les bouteilles de plastique dans différents quartiers. Les jeunes ont bien suivi différentes formations qui se sont données au centre jeune. jeunes. Les jeunes ont noué une fraternité très forte entre eux. Les jeunes ont noué un amour vraiment inexplicable entre eux. Vraiment, je suis très satisfait. Quels sont les grands thèmes que vous avez développés dans ces formations? Nous avons développé les thèmes de la résolution pacifique des conflits, les thèmes basés sur la santé, la propriété, thèmes basés sur le développement intégral, aussi le changement de mentalité, l'amour fraternel et beaucoup de thèmes, différents thèmes. Aurait-il quelques défis qui se sont observés lors de ces activités que vous avez organisées ici au Centre Jeune Kamenge? Oui, il y a eu quelques défis. Bon, disons, il y a eu des jeunes qui sont tombés malades, il y a des autres qui se présentaient ici au Centre Jeune, mais tu voyais que quelque chose ne va pas. Après avoir fait un échange avec eux, on a pu remarquer que c'est par des problèmes qui se remarquent dans leur famille. Il y a aussi des jeunes qui se sacrifiaient pour leurs petits frères. Quand le matin, on les donne du pain et du thé, ils ne prenaient pas le pain. Ils conservaient ce pain pour ses petits frères qui se trouvent à la maison, qui n'ont rien à prendre. Pour nous, c'est bon de voir un jeune qui passe à son frère, mais aussi c'est malheureux de voir un jeune qui va travailler sans rien prendre, alors qu'il a quelque chose sur lui comme un pain. En tant que responsable du Centre Jeune Kamenge, quel appel pouvez-vous lancer à la jeunesse? Comme je l'ai dit en clôture à son camp, j'ai invité les jeunes d'aller plus loin. Les jeunes sont capables de changer ces villes des quartiers du nord de Bujumbura. Ils sont capables de changer la capitale de Bujumbura. Ils sont capables de changer le Burundi parce qu'ils sont vraiment talentueux. Si vous regardez les poèmes qu'ils ont composés, si vous regardez leurs dessins, la manière dont ils chantent, dont ils dansent, si vous regardez vraiment les activités qu'ils ont faites, vous remarquez immédiatement qu'ils sont très riches. C'est une grande richesse pour le pays. Ce directeur adjoint du Centre Jeune Kamenge ajoute qu'à côté de ses travaux de propreté, que les jeunes qui n'ont pas d'emploi ont bénéficié des formations de couture et de l'informatique. Encore une fois, suivez l'abbé Aimé Irakoze, directeur adjoint du Centre Jeune Kamenge. Ici au Centre Jeune, nous avons une équipe de plus de 60 jeunes, filles et garçons qui ont terminé l'université Les Humanités Générales mais qui n'ont pas eu la chance d'avoir de l'emploi. Alors, nous les avons invités à venir ici au Centre Jeune pour apprendre des métiers et apprendre comment se développer même sans attendre d'autres emplois. Donc, comment créer un emploi pour eux-mêmes. Alors, nous avons eu deux groupes. Il y a un groupe de jeunes qui ont terminé l'université d'humanité générale, qui viennent de terminer 4 mois de formation en coupe couture. Nous avons eu aussi 30 jeunes qui n'ont pas eu la chance de terminer les humanités générales, qui faisaient la formation les après-midi. Parmi eux, il y avait les jeunes filles qui ont eu un problème de grossesse non désirée. Il y a aussi les jeunes qui ont quitté les milieux ruraux, qui sont venus à Bujumbura, mais le salaire qu'ils reçoivent qui ne permet pas de continuer vraiment d'avoir une vie digne. Alors, on donne une occasion à ces jeunes d'apprendre des métiers. Il y a aussi un groupe de jeunes qui viennent de terminer de faire une formation en informatique, c'est-à-dire initiation en informatique, l'OED, l'Excel et l'Access. Et aussi, ils viennent de passer 4 mois en formation en informatique ici. La prochaine fois, il y aura aussi des jeunes qui viennent de terminer la formation en anglais et en italien, comme il y aura aussi ceux qui viennent de terminer la formation en français, qui auront des certificats avec la fin du 3e camp. Ici au Centre Jeune. Isanganiro, la radio de l'avenir. Il est 18h09 minutes au studio de la radio Isanganiro. La pénurie de sucre qui continue de s'observer au Burundi ne devrait pas avoir lieu après la revue à la hausse du prix de ce produit. Le président de l'association burundaise des consommateurs, Abuko, le dit après la lamentation de certains commerçants du sucre en mairie de Bujumbura qui indique que ce produit reste introuvable, ce qui est même à l'origine des spéculations qui ne cessent de s'observer. Pierre Ndouayo trouve que les partenaires de la commercialisation du sucre devrait être réaliste. Selon lui, le Burundi a besoin de 36 000 tonnes par an, alors que la Sosoumo atteint parfois la production de 20 000. Suivez ses précisions. Nous constatons une rareté inexplicable du sucre, ce qui fait que nous constatons une incompréhension entre les autorités de l'assessment et les autorités administratives, et l'assessment disant que les autorités administratives ne contrôlent, ne suivent pas la commercialisation dans leur territoire respectif. Mais au niveau de la Bourco, le grand problème, c'est que la quantité qui est mise sur le marché, c'est une quantité insuffisante, et avec une quantité insuffisante, la spéculation est permise à tous les niveaux. Et nous, à notre niveau, nous avions espéré, depuis que son Excellence Monsieur le Président de la République avait donné injonction au chargé du commerce d'autoriser l'importation du sucre, et surtout avec la dernière hausse, on croyait que ce produit allait être disponible, mais malheureusement, nous constatons qu'il est plus rare que jamais, et rare aussi depuis qu'il y avait le monopole de la Sosumo. C'est pourquoi nous disons que quand même, il y a un problème quelque part qui doit être débattu et à bâton rompu. Et c'est ainsi que nous invitons les autorités administratives, aussi les commerçants qui ont en charge la commercialisation du sucre, mais aussi le ministère en charge du commerce, et de se mettre ensemble pour voir toute la problématique autour de la commercialisation de ce sucre, surtout qu'avec la levée de l'importation, nous constatons toujours une rareté, ce qui donne libre cours à la spéculation dans nos quartiers où le prix du kilo, quand tu as la chance d'en trouver, il va même aller jusqu'à 8 000 et à 10 000 francs par kilo. Pierre Ndouayo, président de l'Association burundaise des consommateurs. Certains des habitants de la province Kayanza, à majorité les commerçants, se lamentent qu'ils ne sont pas servis à la banque conformément à leurs besoins. Les chefs d'agence des banques et microfinances à Kayanza disent que les retraits bancaires dépassent de loin les versements ces jours-ci. Ils craignent la pénurie des billets dans les banques les jours à venir. Ces chefs d'agence et microfinances à Kayanza disent qu'il y aurait beaucoup de gens qui n'ont pas de compte bancaire et qui gardent de leur argent à la maison. Reportage signé Patrick Sengeyumba. Les banques et institutions de microfinance visitées sont surtout la BGF ou l'Interbanque Burundi, l'UICODE et la COPEC. Lors de notre passage à la BGF et à l'Interbanque, des clients effectuaient des retraits bancaires sans problème, mais les chefs d'agence de ces institutions bancaires nous ont témoigné que les retraits bancaires sont beaucoup effectués plus que les versements et virements. Ils expliquent que c'est la période de paiement des cafés culturels et que même des commerçants de matériel scolaire retirent beaucoup de millions pour s'approvisionner en ces produits. La question qui consiste à des retraits bancaires qui dépassent les versements et virements se fait observer également à la COPEC Kayanza. La gérante de cette institution de microfinance nous a fait savoir que, par exemple, les clients peuvent retirer 100 millions par jour et verser au moins entre 20 et 30 millions seulement. Les chefs d'agence et des banques et des institutions de microfinance à Kayanza craignent que les jours à venir, des billets de banque puissent encore manquer, comme il a été le cas ces derniers jours, avec la démonétisation des billets de 5 et 10 000 francs. De l'autre côté, les habitants à Kayanza, majorité commerçants, disent qu'ils tendent à perdre confiance des banques et institutions de microfinance, du fait qu'ils ne sont pas servis conformément à leurs besoins en argent. Les chefs d'agence des banques et institutions de microfinance à Kayanza trouvent que cette question trouvera solution avec l'intervention des administratifs qui mèneront des sensibilisations auprès de la population sur l'importance de l'ouverture d'un compte bancaire pour la conservation de la monnaie. Depuis Kayanza, Patrick Nsengu va pour la radio Isanganiro. Merci Patrick. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Mais laissez-moi vous en rappeler les titres. Certains dirigeants du conseil d'administration pour les entreprises publiques ne sont pas professionnels. C'est la raison pour laquelle ils sont destitués de leurs fonctions. Analyse du directeur du Parsem, Fotin Dikoumana, qui trouve que la suppression du conseil d'administration pour les entreprises publiques est nécessaire. Vous l'aurez entendu. La jeunesse burundaise joue un grand rôle dans le processus de la protection de l'environnement et de la cohabitation sociale. Affirmation de l'ABE. Aimé Ilakodie, directeur du Centre Jeune Kamenge, ce samedi lors de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Et les chefs d'agences des banques et microfinances à Kayanza craignent la pénurie des billets dans les banques les jours à venir. Ils disent que ces jours-ci, les retraits bancaires dépassent de loin les versements. Les habitants de la province Kayanza se plaignent de ne pas être servis comme ils le voudraient. Vous avez entendu notre correspondant à Kayanza, Patrick Nsengiyumba. Et voilà, c'est ici qu'on se quitte. Merci encore pour votre oreille attentive et fidèle. Eric Wiman a assuré la mise en onde de Oreb Ngabide. À la présentation. À la prochaine.